Le manu, espèce en voie de disparition, se trouve dans les régions tempérées d'Asie centrale, où il se développe difficilement mais sûrement. Le manu se reconnaît à son cri bien caractéristique. Heureusement, car on ne peut pas souvent le voir. Son pelage, à la couleur même de son environnement, lui permet de se camoufler très facilement dans son milieu naturel. Manu, il est 8h33, météo, Manu.